Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes encore ce matin en train d'étudier notre deuxième épître aux Corinthiens. Et nous étudions le sixième chapitre. Et nous sommes rendus au verset 11. Notre bon Père du ciel, encore une fois, nous voulons nous tourner vers toi, vers ton Esprit Saint, pour que tu nous instruises. Alors, Seigneur, d'une façon spéciale ce matin, je te demande de nous aider. Parce que le texte qu'on va lire ensemble a été souvent mal utilisé, mal interprété. Et quand on étudie un texte, il faut souvent défaire ce qu'on a appris pour apprendre ce que toi tu veux nous dire. Qu'est-ce que Paul voulait dire aux Corinthiens dans ce texte? C'est ce que nous voulons savoir ce matin. Conduis-nous quand nous voulons ta gloire. Amen. L'apôtre Paul nous a dit jusqu'à date à partir du verset 6, du verset 1, « Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain, nous vous en supplions. » Il dit « Ne soyons pas un scandale. » Lui a dit « Je ne suis pas un scandale en quoi que ce soit qui vous donnerait l'occasion de blâmer le ministère que j'ai eu auprès de vous. Qu'est-ce que vous me blâmez? De quoi est-ce que les faux apôtres me blâment? Donnez pas l'opportunité de démontrer qu'ils mentent, qu'ils se trompent. » Et on a vu ensemble qu'ils se rendaient recommandables par la persévérance dans les moments difficiles, par sa façon de réagir dans les moments difficiles. Il dit, j'ai répondu à toute cette haine par la puissance du Saint-Esprit. Et ainsi, je suis un serviteur de Dieu. Je me rends recommandable comme serviteur de Dieu quand je réponds au monde par la puissance du Saint-Esprit qui est en moi. Dans les bons et dans les mauvais jours. Dans la gloire comme dans le rejet, l'humiliation. J'ai toujours agi de la même façon. Et Paul va continuer à partir du verset 11 et va les... Encore une fois, on entend quasiment une supplication. Celui qui parle est un homme qui veut avoir une relation avec les Corinthiens, qui veut que ça perdure ce qui a été commencé par lui auprès d'eux. Lisons à partir du verset 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez vous aussi votre cœur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. L'apôtre Paul, ici, veut que ce qui a été commencé entre lui et les Corinthiens persiste, continue. Parce qu'il sait que s'il y a quelque chose qui est brisé entre eux autres, ça va briser quelque chose entre eux autres et Dieu. S'il rejette Paul pour suivre les faux docteurs ou les faux apôtres, et que finalement ils vont blâmer le ministère qu'il y a eu auprès d'eux et le changer, l'enlever ou peu importe qu'est-ce qu'ils vont faire. Il sait, lui, les conséquences éternelles qui vont avoir lieu. Ils vont avoir cru en vain. C'est un peu la même vérité qui est dit dans 1 Jean. Jean dit, nous sommes en communion avec Dieu. Et on aimerait que vous soyez en communion avec nous. Parce que si vous êtes en communion avec nous, vous êtes en communion aussi avec Dieu. Parce que nous, on est en communion avec Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, chers frères et sœurs, chers Corinthiens, dit, on était auprès de vous, on a ouvert notre bouche pour vous annoncer, pour vous inviter à être réconciliés avec Dieu. Notre cœur s'est élargi pour vous. On s'est mis à vous aimer, on est resté des années avec vous, à vous enseigner, à vous préparer, à vous instruire. Notre cœur s'est élargi pour vous. Vous avez eu de la place dans notre cœur ou dans notre amour fraternel. Mais Paul dit, ce que j'ai peur présentement, c'est votre cœur à vous est en train de se rétrécir. Nous avons moins en moins de place dans votre cœur. Vous savez, quand on sort du cœur de quelqu'un, c'est parce que quelque chose d'autre est en train d'y entrer. Parce qu'on ne fait jamais le vide, là. On ne fait jamais le vide. Il y avait autre chose d'autre, là. C'était les faux apôtres qui s'en venaient, qui est en train de prendre la place dans le cœur des Corinthiens. Il dit, ne vous laissez pas avoir. Il dit au verset 13, rendez-nous l'appareil, élargissez votre cœur, vous aussi. Laissez-nous entrer. Donnez-nous toute la place, la même place que nous vous donnons dans notre cœur. On entend presque Paul parler avec de l'émotion dans son cœur, des larmes dans son yeux. Aimez-nous comme on vous aime, frère et sœur. Restez attachés à nous. Puis là, il va donner la raison. Et là, le texte qui est souvent utilisé pour parler de nos relations avec les inconvertis. C'est utilisé ça. Souvent pour aider un chrétien à ne pas se marier avec un inconverti. Ou de ne pas être en affaire avec un inconverti. Et on disait, attention, là, comment vous allez agir avec les inconvertis? Ne vous mettez pas sur un joug infidèle avec les inconvertis. Mais le texte ne va pas dans cette direction-là. Le texte ici est en train de dire, vous ne pouvez pas être avec Dieu et être avec ces gens-là qui prêchent contre Dieu et contre Christ. Faites un choix. Vous n'avez pas de rapport. Parce qu'il dit, ne vous mettez pas sur un joug étranger avec les infidèles. Les infidèles dans notre texte, c'est ceux qui parlent contre Paul. C'est ceux qui sont en train d'emmener des fausses doctrines. C'est ceux qui étaient en train de dire dans 1 Corinthiens 15 qu'il n'y avait plus de résurrection. C'est les faux apôtres. Ils ne parlent pas ici quel rapport je dois avoir avec mon voisin qui est un inconverti, qui n'est pas un croyant, ou avec mon boss qui n'est pas un croyant. Il dit, mets-toi pas sur un joug étranger avec des infidèles, des non-croyants. Le joug ici, ça présente joug doctrinal, joug de grâce ou de vérité. Il dit, car... Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'équité? Il n'y a pas de rapport entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Ce qui est juste, ce qui est faux. Ce qui est vrai, ce qui est mensonge. Ou quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Voyez-vous, il est en train de dire, vous ne pouvez pas mélanger les deux. Il faut faire votre choix. C'est ce que Jean, dans son épître, dit. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans la lumière et marcher dans les ténèbres. Vous êtes des menteurs si vous dites ça. Il dit, ça, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas être dans la justice et dans l'iniquité. Vous ne pouvez pas être dans la lumière et dans les ténèbres en même temps. Au verset 15, il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Est-ce que vous voulez maintenant marier Christ au diable? Bélial, le Satan? Bélial, Ici, c'est Satan, c'est un enfant du diable. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de commun entre Christ et Satan? Ou quelle part le fidèle a-t-il avec l'infidèle, le croyant avec l'incroyant? Il dit, vous ne pouvez pas mélanger la vérité avec le mensonge. Vous ne pouvez pas vous inventer une nouvelle foi ou un nouvel évangile en mélangeant du vrai et du faux. Il dit au verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Vous ne pouvez pas dire, nous, on est le temple de Dieu, le temple de l'Esprit, puis on amène un idole, puis on met un idole au côté de la statue. J'aurai une statue de Dieu, puis j'aurai une statue d'un idole. Comme ils font dans bien des mouvements religieux, dans bien des bâtiments religieux, on met Dieu, puis on met d'autres plein d'idoles alentour. On mélange. Il dit, nous sommes, au verset 16, nous sommes le temple de Dieu vivant. Vous ne pouvez pas emmener des idoles là et faire un mélange. Vous savez, c'est le plus difficile et c'est le plus sournois en même temps d'emmener une partie de vérité. Quelqu'un un jour parlait d'un mouvement religieux qui disait, il y a beaucoup de vérité dedans, mais c'est tellement caché à travers n'importe quoi d'autre qu'on a de la misère à le trouver. Dans beaucoup de mouvements religieux au Québec, il y a beaucoup de vérité dans le mouvement catholique. Il y a beaucoup de vérité dans les témoins de Jéhovah, dans les mormons. Il y a des vérités, là. Mais mélangées avec de la fausseté. On parle de Jésus-Christ. Oh oui, Jésus-Christ est mort sur la croix, puis Jésus-Christ, puis Jésus-Christ, puis Jésus-Christ, puis Jésus-Christ. Mais il n'est pas Dieu, par exemple. Non, il n'est pas Dieu, voyez-vous? Oui, Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous sauver, mais il faut faire de quoi? Oui, il faut faire notre part. Oui, mais il faut faire des bonnes œuvres, sans ça, on ne pourra pas être sauvé. Oui, il est mort pour nous sauver sur la croix, oui, mais il faut faire les 10 commandements. Voyez-vous, on mélange. Il dit, tu peux pas voir les ténèbres et la lumière. Tu peux pas changer l'évangile. Tu peux pas prendre l'évangile ou le ministère de la réconciliation et de faire autre chose avec. Nous devons garder l'évangile intact et pour les raisons que l'évangile est emmené. Je me répète encore, vous le savez que je suis un répéteux. Je crois que présentement ce qu'on voit, c'est qu'on a fait de l'évangile un évangile anthropocentrique. C'est centré sur l'homme au lieu d'être centré sur Dieu. On parle de l'Évangile comme pour le bien-être de l'homme et c'est pour l'homme et Dieu est là pour l'homme à travers Jésus-Christ, à travers le pardon, à travers... On dit des vérités, mais ce n'est plus pour le service de Dieu, ce n'est plus pour réconcilier les hommes et les femmes avec Dieu lui-même qui deviennent des serviteurs de Dieu. Mais c'est crois Seigneur Jésus et que tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Puis il va t'aider entre-temps dans tes moments difficiles. Tu peux lui demander tout ce que tu veux dans tes prières, il va te l'accorder. Vas-y. On mélange deux choses, le vrai et le faux. On mélange Christ et Bélial. On mélange lumière avec ténèbres. On mélange foi avec doute. On mélange justice et iniquité. On mélange Dieu avec idole. Il dit, vous ne pouvez pas faire ça, frère et soeur. Vous gardez la vérité telle que vous l'avez reçue, ou vous avez cru en vain. Vous êtes un scandale. Parce que l'évangile que vous prêchez, vous dites aux gens que Dieu va les accepter, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous leur mentez. Où l'on prêche l'Évangile. Et c'est flagrant. J'écoute des émissions où des évangéliques parlent du salut, mais ils ne parlent jamais de la repentance. J'ai écouté une série d'émissions l'autre fois, 13 émissions, jamais parler de la repentance. On a vu des gens se convertir en croyant en Jésus, puis ils vont aller au ciel. voit le pardon de mes péchés. Mais on ne leur parle jamais de se repentir ou de se convertir. Jamais. Une fausse évangile. Et au verset 16, c'est dit à la fin. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. On accepte ça. Il est mon Dieu. Et quelle est mon attitude envers mon Dieu? Pas un Dieu que je me suis inventé, là. Pas un Dieu qu'on m'a présenté dans une évangile bonbon, là. Mon Dieu. Un Dieu, c'est fait pour être adoré. Un Dieu, c'est fait pour être servi, loué, proclamé, exalté. Regardez les anges dans le ciel, mes frères et sœurs. Regardez les anges dans le ciel. Vous avez l'Apocalypse pour voir ça. Ils sont au service de Dieu. Ils ne sont pas à genoux en train de prier et demander à Dieu, « Fais que fasse beau demain, je m'en vais en vacances. » Ils ne sont pas en train de vouloir amener Dieu à accomplir leur petite vie. « Ah, Seigneur, je suis malade, guéris-moi. » Ils sont au pied de Dieu et ils servent Dieu. Ils ont deux ailes qui cachent leur face, qui sont devant la gloire de Dieu. Ils ont deux ailes pour servir. Et deux ailes qui cachent leurs pieds pour montrer qu'ils sont dans la sainteté. Ils sont au service de Dieu, les anges. Il ne faudra pas penser que nous, maintenant, on va arriver au ciel, puis on va s'asseoir aux côtés de Dieu, puis les anges vont nous servir comme ils servent Dieu, puis Dieu va nous aider, puis va nous donner ce qu'on veut dans le ciel. Nous allons servir Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes son peuple, un peuple d'adorateurs, un peuple de serviteurs, un peuple de servantes. Frères et sœurs, si on ne croit pas ça, nous avons cru en vain. Si on ne prêche pas ça, on est un scandale. Si on n'agit pas comme cela, on n'est pas des serviteurs de Dieu. On n'est pas recommandable comme serviteur de Dieu. On est serviteur de la chair. On est serviteur des hommes. Combien de fois quand j'ai dit aux gens, voici l'évangile qui est proclamé par la Bible, par les quatre évangiles ou par les apôtres. Bien des fois, il y a des chrétiens qui m'ont dit, moi, mais François, s'il faut prêcher ça, personne ne va vouloir se convertir. Voyez-vous? Le but, c'est que les gens se convertissent. Non, le but, c'est que les gens se réconcilient avec Dieu et qu'ils deviennent son peuple et qu'ils adorent et servent ce Dieu-là. Le but, c'est pas juste qu'ils se convertissent. Le but, c'est qu'ils deviennent des serviteurs. Fait qu'on est bien mieux de leur dire tout de suite. Dieu t'appelle à devenir son serviteur. Dieu t'appelle à devenir son esclave. Tu étais esclave du diable avant. Maintenant, Dieu t'appelle à devenir son esclave et le servir lui, notre Dieu, notre maître, notre créateur, notre sauveur. Notre bon Père du ciel, on se tourne vers toi, notre Dieu. Nous sommes dans ton temple. Où nous sommes ton temple. On n'a pas d'idole, là. Il y a juste toi. Il y a juste toi. Et on veut te servir, toi, et t'adorer et te louer. Garde-nous toujours attachés à la vérité et rien que la vérité, car nous voulons être recommandables comme serviteurs de Dieu. Nous désirons ne pas être un scandale au ministère de la réconciliation. On ne veut pas avoir cru en vain. Nous voulons persévérer dans la vérité, car nous te prions au nom de Jésus. Amen.